21-23. Observation. Recevoir. Comparer. Présent. Je reçois. Je dois. Tu reçois. Tu dois. Elle reçoit. Elle doit. Elles reçoivent. Elles doivent. Nous recevons. Nous devons. Vous recevez. Vous devez. Et maintenant le passé composé. J'ai reçu, j'ai dû. Tu as reçu, tu as dû. Elle a reçu, elle a dû. Elles ont reçu, elles ont dû. Nous avons reçu, nous avons dû. Vous avez reçu, vous avez dû.